إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل l'explication du livre القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد ابن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on est toujours en ce qui concerne Ma'iyatullah, la compagnie d'Allah Azzawajal. Et le Cheikh donc nous a donné plusieurs explications par rapport à ce sujet. Il nous a détaillé quelle était la croyance des gens de la Sunna et du consensus, sachant bien entendu qu'on est dans les exemples par lesquels les gens de l'innovation, les gens de l'altération, l'altération des textes, ont prétendu que les gens de la Sunna avaient ici altéré le sens du texte, c'est-à-dire l'avoir fait dévier de son sens apparent sans même qu'il y ait une preuve à ce qu'ils ont avancé. Donc le Cheikh a répondu à plusieurs exemples pour réfuter ce qui est donc avancé des gens de l'innovation et pour prouver et argumenter que cela est totalement faux, que les gens de la Sunna du consensus, ils ont bien compris les textes suivant leur apparence, en revenant bien entendu à la langue arabe avec laquelle est descendu le Coran, une langue arabe claire et précise et explicite, et en revenant également aux preuves du livre même d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire en revenant aux autres versets, sachant que les versets du Coran s'expliquent les uns par rapport aux autres. Donc parmi les exemples qu'ils avaient donnés, ce qui concernait Ma'iyatullah, c'est-à-dire donc la compagnie d'Allah Azza wa Jal. Vous avez rapporté des versets pour ce qui est de cela. Et également le Shir, à travers donc son explication et sa démonstration, il nous avait rappelé que Ma'iyatullah, qu'Allah Azza wa Jal, ou la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'implique pas le mélange à ses créatures. Il nous avait démontré que cela était strictement faux, de dire donc que cela impliquait le mélange de plusieurs aspects. Et on avait déjà vu avec le Cheikh le premier et le deuxième, et on en était donc au troisième. Et le Cheikh, rahimahullah, il va nous rappeler également une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ici dans un autre livre, Fil Aqidat al-Wasitiyah, Fil Aqidat al-Wasitiyah. Donc il nous dit, donc la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. Donc cette parole de Cheikh l'Islam qui est la suivante, ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna au sujet de sa proximité concernant donc ses attributs, qu'il est au-dessus du trône et qu'il est avec nous, wa annahu ma'na haqqun, c'est-à-dire de manière véritable, à la haqiqati, et suivant donc ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit cela, on n'a pas besoin de altération. La yahtaju ila tahrif, car Allah azza wa jalla, il est au-dessus de son trône, il s'est établi au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala, il est avec nous également en même temps. Et on avait expliqué donc comment cela, c'est-à-dire dans le sens qu'on comprenait des versets apparents, dans le sens qu'Allah Azza wa Jal, il est avec nous de par sa science, qu'il est avec nous de par son pouvoir, qu'il est avec nous de par son observation, etc. Tout ce qui est entré donc, fi marna ar-rububiyya, tout ce qui est entré donc dans le sens de la seigneurie, comme on l'a expliqué auparavant. Donc ça c'est le sens qui est bel et bien apparent du fait qu'Allah Azza wa Jal est avec nous. Et ça, on n'a pas besoin d'altérer. Le sens, il est pris donc même de ce qui apparaît du texte coranique. Donc on n'a pas besoin, comme dit le shir, la yahtaju, ou la yuhtaj ila tahrif. On n'a pas besoin donc d'altérer le texte. Walakin yusan anidhulun al-kadiba. Par contre, bien entendu, on écarte tout ce qui va être non propre à Allah Azzawajal. Comme on l'a expliqué auparavant, le fait de dire qu'Allah Azzawajal, il serait donc avec nous, bidhati, c'est-à-dire de par son entité, ce qui impliquerait qu'il serait avec nous dans nos places, qu'il serait avec nous et mélangé avec les créatures. Donc on l'a dit, ça c'est marna, shir, walakin yusan anidhulun al-kadiba. Ce qu'on pourrait donc tout ce que l'on pourrait avancer et qui est en réalité du mensonge, et tout ce que l'on pourrait penser et qui est en réalité du mensonge. Également une autre parole de Cheikh al-Islam que le Cheikh il nous rapporte fil fatawa al-hamawiyya. Il nous dit le Cheikh rahimahullah, wa jima'u al-amri fi dhalik anna al-kitaba wa sunnah yahsul minhuma kamalul huda wa an-nur liman tadabbara kitab Allah wa sunnata nabiyyih وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه وللحاد في أسماء الله وآياته. Donc le cher ici, il va nous dire, et ça c'est une règle qui est générale pour ce qui est de cette question-là et pour tout ce qui est de notre croyance, pour tout ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla, pour tout ce qui concerne également ce qui se trouve dans le livre et la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Il nous dit donc وَجِمَعُ الْأَمْرِ, c'est-à-dire donc ce qui va le concentrer donc de cela, ce ici qui va être donc principal. Il va nous dire que le livre d'Allah Azzawajal et la sunna, à partir du livre et à partir de la sunna, il va advenir à l'homme كَمَلَ الْهُدَى وَالنُّورِ, c'est-à-dire il va advenir à partir de ces deux sources la parfaite guidance et la lumière. Donc lorsque la personne elle lit le livre d'Allah Azza wa Jalla, elle s'instruit du livre d'Allah Azza wa Jalla, elle s'instruit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui advenir donc une parfaite guidance, une parfaite lumière avec laquelle donc il se guide sur le droit chemin. Il va nous citer ici le shir trois conditions pour que cela advienne, c'est-à-dire que cette huda, cette guidance, cette lumière an-nur advienne à l'homme. L'imam tadabbara kitab Allah wa sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, dans un premier temps, qu'il faut atadabbur, c'est-à-dire observer les versets du Coran, réfléchir sur les versets du Coran, contempler les versets du Coran. Ça, c'est du atadabbur. C'est-à-dire donc qu'on va réellement réfléchir sur le sens, ce que veulent dire les versets du Coran. De même, pour ce qui est des hadiths, ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ce n'est pas une simple lecture sans comprendre le sens. Bien au contraire, lorsqu'on dit tadabbur, c'est réfléchir, lire le verset et réfléchir sur son sens. Et ce qu'il contient, ce qu'il nous indique, etc. Ça c'est tadabbur, qui est un terme général, qui veut dire également ta'ammul. Ça c'est la première condition pour que l'on puisse avoir une réelle guidance, une véritable lumière à partir de ces deux sources. La deuxième condition, وَقَصَدَ اِتِّبَعَ الْحَقِّ وَقَصَدَ اِتِّبَعَ الْحَقِّ, c'est-à-dire de par lui sa volonté, de par son intention, et il est sincère dans cela, il veut rien d'autre que suivre la vérité. C'est-à-dire lorsqu'il ouvre le livre d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il apprend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a qu'une véritable intention, une véritable intention, c'est de suivre la vérité. Et qu'il ne veut pas, par là, déformer ce qui ne lui plaît pas, ce que lui, il voit, qui est contraire à ce qu'il pense, ou qui est contraire à ce qu'il conçoit. Ou alors, qu'il veut par là, c'est-à-dire par les versets du Coran, il veut faire remporter, faire prendre le dessus sur son avis ou sur sa parole. Là, si la personne, sa niya, c'est celle-là, jamais il lui adviendra le houda, la guidance. Jamais il lui adviendra également cette lumière. Donc on voit le premier tadabbur et le deuxième qasd, qasdu ittiba al-haq. Donc suivre son intention c'est de suivre la vérité. Et ensuite, la troisième condition ici, وَأَعْرَضَ عَنْ تَحْرِيفِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَالْإِلْحَادِ فِي أَسْمَائِهِ أَوْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ. Également donc, se détourner, d'altérer la parole ou les paroles de leur contexte. Donc la personne, elle s'écarte de tout ce qui rentre dans le tahrif, dans tout ce qui rentre dans l'altération des termes, comme l'ont fait donc les gens de l'innovation. Elle doit suivre, et sans l'expliquer en détail, elle doit suivre donc les versets suivant ce qui nous indique en apparence. Ce qui nous indique donc en apparence. Et ça, on l'a détaillé auparavant. وَلِلْحَادِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِ. Également, elle rentre dans cela, le fait de dévier, comme on l'a expliqué, ce qu'était Al-Ilhad, le fait donc de dévier en ce qui concerne les noms d'Allah Azzawajal et également ses versets. Et il nous dit le shir, donc toujours la parole du shir al-Islam ibn Taymiyyah, وَلَا يَحْسِبُ الْحَاسِدْ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُنَاقِضُ بَعْضُ بَعْضًا أَلْبَتَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلْ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ يُخَالِفُ الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط. Donc il nous dit le shir également que la personne ne croit pas, quelle est donc la fausse croyance, que il y a une chose qui se trouve dans le Coran et qui se contredit, ou alors des versets qui se contredisent. Comme à l'exemple qui nous a donné le shir, qui concerne ici le Maria, le fait de dire que le livre et la sunna du prophète, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ont indiqué qu'Allah est au-dessus de son trône. Et cela va au contraire du verset « Wa ma'akum » Il est avec nous. Et il est avec nous. « Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam » Lorsque l'un d'entre vous accomplit sa prière, se lève pour accomplir sa prière, alors Allah Azzawajal est devant son visage et devant lui. Donc cela c'est une erreur de penser cette chose-là. Et comme on l'a expliqué auparavant, on comprend les textes suivant leur apparence et suivant ce qui est propre à Allah Azzawajal. En revenant à la langue arabe, et on a expliqué donc, pour ce qui était d'Al-Mariya, quelle était la réelle compréhension de la compagnie d'Allah Azzawajal, en revenant donc à la compréhension de la langue arabe, et donc à ce que faisait apparaître les versets du Coran qui traitent de cela. Ensuite, il nous dit ici le shir rahimahullah Cheikh Al-Uthaymeen, وذلك أن الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Donc ce verset qu'on a déjà expliqué la semaine dernière et dont on a fait apparaître à travers lui réellement qu'Allah Azza wa Jalla ici nous démontrait dans ce verset et suivant son exposition et le contexte dans lequel il était placé qu'Allah subhanahu wa ta'ala était bel et bien avec nous de par sa science, et ça on l'a déjà démontré la semaine dernière. Le verset, dans le sens suivant, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. فَأَخْبَرَ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ يَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ. Donc il nous a informé Allah Azza wa Jalla qu'il était au-dessus de son trône et qu'il savait, qu'il avait connaissance de toutes choses, qu'il avait science de toutes choses. ومعنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. Donc un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Dawud ou Ibn Majah et d'autres encore, et dont les gens de science ont divergé quant à son authenticité, et qui est le hadith suivant, hadith connu comme étant un hadith الأوعال, Allah Azza wa Jalla est au-dessus du trône. وَيَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Et il sait donc ce que vous faites. Il sait donc il a science de votre situation. Donc, dans ce hadith, il est clair et expliqué de manière explicite qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus de son trône. mais qu'en même temps, il sait ce que nous faisons, il connaît nos situations, il connaît tout de nous, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est dans son sens qu'on comprend Al-Ma'iyya. On comprend donc Al-Ma'iyya. Comme je dis par rapport à ce hadith, il y a divergence parmi les savants qui l'ont rendu faible, Cheikh Al-Albani et d'autres. Il nous dit ensuite وَعْلَمْ أَنَّ تَفْسِرَ الْمَعِيَّةِ بِالظَّاهِرِهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللَّائِقَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى لَا يُنَاقِضُ مَا ثَبَتَ مِنْ عُلُوِ اللَّهِ تَعَالَى بِذَاتِ عَلَى عَرْشِ وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ ثَلَاثَةَ. Donc le Cheikh va nous dire qu'il n'y a aucune contradiction lorsqu'on atteste qu'Allah Azza wa Jal il est au-dessus de son trône, Al-Ulu, qu'il est donc élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, et en ibidati, c'est-à-dire de par son entité. Il n'y a aucune contradiction avec le fait de dire que Allah Azza wa Jal, il est avec nous. Et cela en apparence, bien entendu, suivant ce qui est propre à Allah Azza wa Jal, et comme on l'a expliqué auparavant. Et va nous démontrer cela, le chien, va nous démontrer qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux attributs, il va nous le démontrer de trois aspects. Il va nous dire l'awwal. أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. Donc il va nous dire dans un premier temps qu'Allah Azza wa Jal subhana, il a rassemblé ces deux attributs qui est al-ma'iyya wal-ulu, qui est al-ma'iyya wal-ulu, donc la compagnie d'Allah Azza wa Jal et l'élévation d'Allah Azza wa Jal, dans son livre qui est clair et qui est saint de toute contradiction. Et donc, ce qu'Allah Azza wa Jal, il a rassemblé dans ce même livre qui est son Coran, il n'y a bien entendu aucune contradiction entre ces deux choses, ici en l'occurrence, Al-Ma'iyya ou Al-Ulu. Et il nous dit le Cheikh, « وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ تَظُنُّ فِيهَ التَّنَاقُضُ فِيمَا يَبْدُ لَكْ فَتَدَبَّرْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكْ فَعَلَيْكَ بِالطَّرِيقِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ الَّذِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَكِلِ الْأَمْرِ إِلَى مَنْ مُنْزِلِهِ الَّذِي يَعْلَمُ وَعَلَمَنَا الْقُصُورَ فِي عِلْمِكَ أَوْ فِي فَهْمِكَ وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. Donc ici, on voit bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni dans son livre ces deux choses, Al-Ulu ou Al-Ma'iyya, à travers tous les versets du Coran qu'on a cités auparavant, qui prouvaient qu'Allah Azza wa Jalla était avec nous, qui prouvait qu'Allah Azza wa Jal était au-dessus de son trône, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme il nous a cité à travers ce verset du Coran qui prouve qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Donc si Allah Azza wa Jal nous a cité ces deux attributs, c'est qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux attributs, entre ces deux choses. Et ce verset c'est le suivant: ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Et na'am, ce Coran il aurait été d'un autre que le Seigneur des mondes, automatiquement ils auraient trouvé des contradictions, automatiquement, dans n'importe quel livre ils auraient trouvé, dans un livre comme celui-là ils auraient trouvé automatiquement des contradictions, alors que dans ce livre il n'y a pas de contradictions. Et c'est la croyance de tout musulman, et celui qui croit le contraire c'est une personne donc qui n'a pas la foi, une personne donc qui n'est pas croyant. Donc celui qui croit que le Coran il est bel et bien descendu de la part d'Allah Azza wa Jal, il sait donc qu'il n'y a aucune contradiction entre Al-Ma'iyya ou Al-Ulu. Et il nous dit le Cheikh, et si par contre ceci n'est pas clair pour la personne qui va lire donc le Coran et qui ne comprend pas qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux, alors il nous dit qu'il faut qu'il prenne donc la voie de ceux qui sont راسخين في العلم, donc ceux qui détiennent réellement la science, qui sont plongés dans la science, ceux qui ont dit amanna bi kullu min 'indi rabbina, nous y croyons tous, tout est de la part de notre Seigneur, nous y croyons tout est de la part de notre Seigneur, Nam, tous les signes d'Allah Azzawajal, les signes dans son livre, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets du Coran, tous, nous y croyons. Nous croyons en tout ce qu'Allah Azzawajal a fait descendre. Et nous croyons en tout ce qu'Allah Azzawajal nous a dit à travers les paroles de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ceux qui, réellement, qui détiennent la science et qui ont une croyance infaillible, qui ont une foi inébranlable. Ils croient en tout. Et il nous dit le shirk, et donc, ensuite, laisse. Si toi, donc, tu n'as pas eu la réelle compréhension à ce niveau-là, alors laisse cette affaire à celui qui a fait descendre. Bien entendu, celui qui a fait descendre le Coran, et qui lui sait. Et qui lui sait. Et sache donc que Al-Qusur, c'est-à-dire le manque, le manquement que tu possèdes à la fi ilmik, ou Al-Qusur ici, donc le manque, c'est dans ta science, dans ton manque de science, et dans ton manque de compréhension. Donc dans le Coran, il y a tanaqud, qu'il y a donc une contradiction. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Islam, il nous le rappelle, dans la parole lorsqu'il avait dit « Kama jama'a Allahu baynahuma » comme Allah Azzawajal, il a réuni entre les deux. C'est dans ce sens donc qu'il a dit cette parole Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, c'est-à-dire entre l'ulou ou le ma'iyya. De même, le Cheikh ensuite, il va nous rapporter une parole de l'imam ibn al-Qayyim dans ce livre « Mukhtasar al-Sawa'iq » qui va donc toujours dans le même sens et qui est la parole suivante. وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كوني مستويا على عرشه وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد ثم قال c'est-à-dire le verset donc qu'on a lu auparavant. ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن المصيري. Il nous rappelle donc cette parole qu'Allah Azza wa Jal nous a informé qu'il était avec ses créatures alors qu'il était établi sur son trône et qu'il a donc rassemblé entre ces deux choses, c'est-à-dire donc entre ces deux attributs dans le verset qu'on a lu auparavant qui fait sourate al-Hadid. Surat al-Hadid. Et également, il nous a informé, subhanah, qu'il a créé les cieux et la terre. Il s'est donc établi sur son trône. Et qu'il est avec ses créatures, dans le sens où il voit leur acte. Il voit leur acte depuis donc son trône, subhanah. Comme le hadith donc al-Aw'al, celui donc qu'on a cité auparavant. Et il nous dit, fa'uluhu la yunaqidu ma'iyyatahu. C'est-à-dire son élévation ne contredit pas sa compagnie. Et sa compagnie, au ma'iyatu la tubtilu uluwahu. Et donc sa compagnie n'annule pas son élévation. Bel kilahuma haqqun. Bien au contraire, donc ces deux, ils sont vérités. Ensuite, le chef va nous dire, fil wajh thani, la deuxième argumentation. Pour ce qui était de la première, c'était de mettre en évidence qu'il n'y avait aucune contradiction entre l'ulu, al-ulu wa al-ma'iyya. Et la deuxième, il va nous dire, wajh thani, anna haqiqat ma'na al-ma'iyya la yunaqid al-ulu. Ici donc que le réel sens de la compagnie ne va pas à l'encontre de al-ulu, c'est-à-dire l'élévation. فَلِيْشْتِمَاعُ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ فَإِنَّهُ يُقَالُ مَا زَلْنَا نَسِيرُ وَالْقَمَرُ مَعْنَا وَلَا بُعْدٌ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ تَنَاقُضًا وَلَا يَفْهَمُ مِنْهُ أَحَدٌ أَنَّ الْقَمَرَ نَزَلَ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا كَانَ هَذَا مُمْكِنًا فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ ففي حق الخالق الموحيت بكل شيء المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. Donc il va nous dire cette parole qui est la suivante, cher Al-Uthaymin ici, que le fait que lorsqu'on parle de al-ma'iyya, du sens donc de al-ma'iyya, et également du sens al-ulu, ces deux sens, il dit il est possible de rassembler cela à propos même de la créature ou d'une des créatures. Alors que dire pour ce qui est du créateur, subhanah. Cet exemple c'est le suivant. Lorsqu'on dit mazalna nasiru wal qamaru ma'na, c'est-à-dire nous ne cessons de continuer notre chemin. وَالْقَمَرُ مَعْنَا Et la lune est avec nous. Et la lune est avec nous. Donc on dit bien وَالْقَمَرُ مَعْنَا Donc lorsqu'on est sur un chemin, en train de marcher, ou en voiture, etc., et qu'on s'aperçoit que malgré la distance que l'on parcourt, lorsqu'on lève nos yeux au ciel, on s'aperçoit que Al-Qamar, c'est comme si elle nous suivait. Elle est toujours au-dessus de nous. Tayyib. Donc on dit bien, Wal-Qamaru ma'na. On a continué donc notre parcours. Wal-Qamaru ma'na. Et la lune est avec nous. On utilise bien ici, dans la langue arabe, le terme ma'na. Et de même, pour ce qui est de la langue française, on dit, la lune est avec nous. Et lorsqu'on dit cette parole-là, il n'y a aucun tanaqud, il n'y a donc aucune contradiction, et personne ne comprendrait de par cette parole que Al-Qamar, que donc la lune, est descendue sur la terre. C'est-à-dire qu'elle est avec nous dans la même place, c'est-à-dire au même endroit que nous exactement, dans la même place où on est. Donc il nous dit, le cher, si cela est possible dans le droit de Al-Makhluq, donc de dire, pour ce qui est de la lune, qu'elle est élevée au-dessus de nous, et qu'en même temps elle est avec nous, partout où l'on va, lorsqu'on s'en aperçoit à travers nos parcours. Alors il nous dit, quel en est pour ce qui est du droit de celui qui a créé, de celui qui nous sert, al-muhit ibi kulliché, qui nous sert, qui sert toute chose, ma'a'ulouhi, avec donc son élévation, avec l'élévation d'Allah Azzawajal. Donc, il nous dit ensuite le shir, que le véritable sens de al-ma'iyya, ou le sens de Al-Ma'iyya, la tastalzim n'implique pas de manière systématique, obligatoirement, al-ijtima' fil makan, le rassemblement dans une place, comme on l'a démontré également auparavant. Comme on l'a démontré auparavant, que lorsqu'on dit, on parle de compagnie, et lorsqu'on emploie ce terme marna avec, ça ne veut pas dire que il y a un rassemblement dans la place. Et tout ça, bien entendu, c'est pris de cette langue que l'on comprend, et de cette langue avec laquelle le Coran il est descendu. Et ensuite, il va nous rappeler une parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui va donc dans le même sens et qui explique ce que le Cheikh lui a expliqué. Ensuite, le Cheikh il dit Al-Wajj Thalif, donc la troisième argumentation, Annaw, Law Furida Imtina'u Ijtima' Al-Ma'iyyati Wal-Ulouwi Fi Haqq Al-Makhluq, Lam Yalzam An Yakuna Dhalika Mumtani'an Fi Haqq Al-Khaliq. الذي جمع لنفسي بينهما لأن الله تعالى لا يماثل شيء من مخلوقاتي لا يماثل شيء من مخلوقاتي كما قال تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وما ذكرنا في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه أو ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. Donc, pour ce qui est de la troisième argumentation, si on cédait le fait de dire qu'il n'est pas possible al-ma'iyya wal-ulu pour ce qui est de al-makhluq, pour ce qui est donc de la créature, comme à l'exemple de la lune, cela n'impliquerait pas donc, si on disait que cela n'était pas possible en droit de la créature, cela n'impliquerait pas que cela également est interdit dans le droit d'Allah Azzawajal, mumtani'an fi haqq al-khaliq, de celui qui a créé, subhanahu. Alladhi jama'a li nafsi baynahuma, de celui donc qui a rassemblé entre les deux dans son livre, comme on l'a vu auparavant. Pourquoi cela? Car Allah Azzawajal la yumathilu shay'un min makhluqati, car Allah Azzawajal, rien ne ressemble à lui. Il n'y a aucune ressemblance entre lui et ses créatures. Rien n'est comme lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il n'y a pas de mumathala entre les créatures et entre le créateur. Donc automatiquement, si cela était interdit dans le droit des créatures, ça ne voudrait pas dire que c'est interdit dans le droit du créateur, car il n'y a aucune comparaison entre les deux. Comme Allah Azza wa Jalla dit, il est sakami felishi, ou as-samir al-basir. Et donc, c'est dans ce sens que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous a dit cette parole-là, lorsqu'il a dit, donc, dans cette parole qui est prise, que le chien nous a rapporté et qui est prise fil aqida al-wasitiyya, il nous dit donc que ce qui a été rappelé dans le Coran, ce qui a été cité dans le Coran et dans la Sunna, min qurbi wa ma'iyatihi, c'est-à-dire que qu'Allah Azza wa Jalla est proche de nous et qu'il est avec nous, wa ma'iyatihi, cela ne va pas à l'encontre et n'est pas contraire à ce qu'il nous a rappelé toujours dans son livre, min uluhi wa fawqiyati, et qu'il est donc qu'il est élevé, qu'il est au-dessus de nous, subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jalla fa'innahu subhanahu laysa kamithli shay, rien donc ne lui ressemble, fi jami'i nu'utihi, dans tout ce qui est de ses attributs, an-nu'ut qui est le jam de na'at, que l'on traduit également par attribut, qui a le même sens de sifat. Wa huwa aliyun fi dunuwihi, il est donc élevé dans son approchement, qaribun fi uluwihi, et il est proche dans son élévation. Ensuite le shir, pour compléter le sujet de al-ma'iyya, donc sa titre de complément, tatimma, il va nous rappeler que les gens, par rapport à leurs croyances concernant la compagnie d'Allah Azza wa Jal, ils sont de trois catégories. Ils sont donc de trois catégories. Il nous dit in qasam an-nasu fi ma'iyyati Allah ta'ala li khalqi thalathat aqsam. Al-qism al-awwal yaqulun inna ma'iyyata Allah ta'ala li khalqi muqtadaha al-'ilm wal ihatatu fi al-ma'iyyati al-'amma wa ma'a an-nasr wa at-ta'yid fi al-ma'iyyati al-khassa. مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه وهؤلاء هم السلف ومذهبهم والحق كما سبق تقريره. Donc la première catégorie de gens, et qui est la catégorie donc de ceux qui ont la croyance saine, qui sont salaf, les plus prédécesseurs, et dont leur croyance est la vérité. C'est ceux qui disent donc ici, donc c'est à titre de résumé, qu'Allah Azza wa Jal, la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses créatures, implique qu'il est avec nous de par sa science, de par du fait qu'il nous serve de toutes parts, subhanahu wa ta'ala. Hadhihi fil ma'iyyati al-'amma. Donc ça c'est dans la première catégorie. C'est fil ma'iyyati al-'amma. Donc la compagnie qui est dite générale. Wa ma'a an-nasri wa at-ta'yid fil ma'iyyati al-khassa. Et donc un sens qui va venir s'ajouter, ou des sens qui vont venir s'ajouter en plus pour ce qui est de al-ma'iyyat al-khassa, donc la compagnie spéciale qui est donc, bien entendu, celle qui est spécifique aux croyants, comme on l'a expliqué, c'est an-nasr, le secours, wa ta'yid, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il apporte secours, il apporte appui aux croyants. Et tout cela en attestant qu'Allah Azza wa Jal, il est élevé au-dessus de nous, subhanahu wa ta'ala, bi-dhati, de par son entité, et qu'il établit sur son trône. Donc ça c'est le madhab des salaf. Al-qism al-thani yaqulun inna ma'iyyata Allah li khalqi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a nafi 'uluwi wa istiwa'i 'ala al-'arshi wa ha'ula'i hum al-hululiyya min qudama al-jahmiyya wa ghayrihim wa madhhabuhum batil munkar ajma' as-salaf 'ala butlani wa inkarihi kama sabaq. Donc il y a ceux qui disent, et qui est le groupe ici de ce qu'on appelle al-hululiyya, donc ceux qui ont prétendu qu'Allah Azza wa Jalla était mélangé à nous, ayyadan billah, et qui est la croyance des anciens parmi al-jahmiyya, ceux qui disent que la compagnie d'Allah Azza wa Jalla implique qu'il est avec nous sur la terre, tout en réfutant qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus de nous, qu'Allah Azza wa Jalla il est élevé et qu'il est établi sur son trône, ayyadan billah. Pour ce qui est, bien entendu, il nous dit le shir, que ce madhab, que cette croyance donc, elle est bâtie, elle est complètement fausse, et que les salafs sont réunis pour condamner cette croyance et prouver donc qu'elle était fausse. Al-qism al-thalith yaqulun inna ma'iyyat Allah li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ard ma'a thubuti 'uluwi fawqa 'arshi. Dhakara hadha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi majmu' al-fatawa. Donc il y a une troisième catégorie de gens qui est peut-être moins répandue, mais comme nous l'a rappelé Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est ceux qui disent qu'Allah Azza wa Jal il est avec nous sur la terre tout en attestant qu'il est au-dessus de nous, au-dessus de son trône. Donc il est au-dessus de son trône et en même temps il est avec nous sur la terre, c'est-à-dire bidati, c'est-à-dire de par son entité, donc mélangé à nous. Et bien entendu tout cela, ou alors c'est ces deux derniers madhab, batil, comme on l'a expliqué auparavant. Ensuite, il nous dit le shir, une remarque, il va nous faire ici une remarque. Tanbih. اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضا أو إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. Donc ça c'est une remarque qu'on avait déjà fait, que le shir le rappelle ici. Lorsqu'on entend donc le tafsir des salafs, l'explication des salafs, lorsqu'ils expliquent Ma'iyatullah, lorsqu'ils expliquent donc, ou qu'ils donnent le sens de Ma'iyatullah, la compagnie d'Allah Azzawajal, lorsqu'ils disent Ma'na bi'ilmi, il est avec nous donc, de par sa science. Ça ne veut pas dire que cette parole-là, comme on l'a démontré auparavant, que c'est uniquement la science. C'est-à-dire qu'on s'en tient uniquement à la science. On dit uniquement Allah Azzawajal est avec nous de par sa science. Point à la ligne. Là, il nous dit le shir bal al-ma'iyya implique également, donc la compagnie d'Allah Azzawajal implique également qu'il nous sert, subhanahu wa ta'ala, de par donc son ouïe, de par son audition, de par sa vue, de par également sa force, de par sa puissance, de par sa gérance, etc. Tout ce qui rentre fait ma'ani rububiya. Donc lorsqu'on entend tafsir al-salaf qu'Allah Azzawajal est avec nous de par sa science, ça n'implique pas uniquement que on s'en restreint à dire il est avec nous de par sa science, mais également les autres sens, comme le shir l'a démontré. Dans ce qui a précédé, c'est-à-dire le cours dernier, et qui faisait partie également des explications que nous avait données le shir, on avait parlé de Al-Ulu, on avait parlé donc de l'élévation d'Allah Azzawajal. Car lorsqu'on a parlé de Al-Ma'iyya, on a automatiquement parlé de Al-Ulu, c'est-à-dire l'élévation d'Allah Azzawajal, pour bien faire comprendre qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux. Qu'Allah Azzawajal, il ait établi son trône, qu'il est au-dessus de nous, qu'il est levé au-dessus de toutes ses créatures, mais qu'en même temps il est avec nous, donc de par sa science, etc. Ici on va faire un rappel pour démontrer, d'après les versets du Coran, que l'ulou, il y a trois sortes de ulou. Il y a trois sortes donc d'élévation. Et lorsqu'on dit qu'il y a trois sortes d'élévation, c'est dans le sens. Donc il y a al-ulu, de façon générale, donc, l'élévation d'Allah Azzawajal. Mais lorsqu'on détaille, on va voir, d'après les versets du Coran, qu'il y a trois sortes, ou plus précisément trois sens, qui rentrent dans al-ulu, qui rentrent dans l'élévation. Et c'est ce qu'on va citer maintenant, en revenant donc à un texte, on l'avait pris du livre A'lam Sunnati al-Manshura, c'est-à-dire les repères de la Sunna, le Cheikh Hafiz, rahimullah. Donc on va revenir ce qu'il avait dit le shir, en démontrant de par les preuves coraniques qu'il y avait bel et bien trois sens pour ce qui était de al-ulu. La première catégorie, nous avait rappelé le shir, ulu al-fouqiyya, ulu al-fouqiyya, et qui en réalité, lorsqu'on dit ulu al-fouqiyya, qu'Allah Azzawajal il est élevé, il est au-dessus de nous, donc ici il y a le ulu, ulu al-fouqiyya, ça veut tout simplement dire qu'Allah Azzawajal, de par son entité, bidati, de par son entité, au-dessus de toutes ses créatures. Et parmi les versets qu'il avait rappelé le shir, des versets que tout le monde connaît, comme ce verset Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Et on sait que dans ce texte coranique Ar-Rahman, donc ce verset Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, que ici Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah Azzawajal. Et ce qu'indique l'un des noms d'Allah Azzawajal, ça indique donc son entité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par son entité, au-dessus des cieux, au-dessus donc de son trône, il s'est établi au-dessus de son trône, donc au-dessus de toutes ses créatures. Donc ça c'est pour ce qui est de ulu al-fouqiyya, c'est la première catégorie, ulu al-fouqiyya. Ensuite, pour ce qui était de la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle ulu al-qahr, ulu al-qahr. Donc ce terme al-qahr, al-qaf, wal-ha, wal-ra, que l'on traduit par la domination. Que l'on traduit donc par la domination. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il n'y a personne qui peut aller à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que rien ne peut le vaincre, qu'il n'a pas d'adversaire, ni de rival, et ni d'opposant. Ça c'est ma'na ulu al-qahri. Donc c'est l'élévation qui est propre à la domination d'Allah Azzawajal. Donc la première c'est ulu al-fouqiyya. La deuxième, c'est ulu al-qahr, donc que l'on pourrait traduire par l'élévation propre à sa domination, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'a rien, absolument rien, qui est supérieur à Allah Azzawajal. Rien qui peut aller à l'encontre d'Allah Azzawajal, qui peut être un adversaire d'Allah, qui peut être un rival ou un opposant, et que tout en réalité est soumis à sa grandeur, à sa puissance, que tous sont humbles devant lui et qu'il a donc la domination ou la domination totale, subhanahu wa ta'ala. Hada wa al-ulu al-qahr. Et parmi les versets, ce verset où Allah Azza wa Jalla dit wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs, au-dessus de ses serviteurs. Donc on voit bien ici al-qahiru, donc ce nom, et que l'on va prendre de ce nom l'attribut al-qahr, wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, et il nous précise ensuite Allah Azza wa Jalla fawqa 'ibadihi, au-dessus donc de ses serviteurs. Il est le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Donc on voit bien ici le sens al-qahr, et qui est la domination. Également, ce verset du Coran, Subhana huwa Allahu al-wahidu al-qahhar. Al-wahidu al-qahhar. C'est-à-dire, pureté à lui, c'est lui, Allah l'unique, le dominateur suprême. C'est lui, Allah l'unique, le dominateur suprême. Donc qui a la domination totale sur toutes ses créatures. Donc ça, c'est ulu al-qahr. Ensuite, pour ce qui est de la troisième, c'est ce qu'on appelle ulu al-shahd. Ulu al-shahd. Donc al-shahd, al-shahd, ulu al-shahd. Et qui est donc, que l'on peut traduire par l'élévation propre donc à son statut, sa position et son rang. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tous les attributs qui sont parfaits. Que tous les attributs parfaits, ils lui sont attestés. Et que tous les attributs qui comprennent une imperfection, il en est écarté, subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens qu'on comprend le loup et le chien. Et le chien va nous citer également des versets du Coran prouvant cela. Donc, l'élévation d'Allah Azzawajal qui est propre à son statut, sa position, son rang, Enam, c'est lui qui est le plus élevé, qui possède donc les attributs parfaits et qui est éloigné de tous les attributs qui comprennent les imperfections. Hada wa ulu al-shah. Et parmi les versets qu'il nous a cités le shir, ce verset qui est le suivant, walaw al-mathal al-a'la fi as-samawati wal-ard wa huwa al-aziz al-hakim. Walaw al-mathal al-a'la fi as-samawati wal-ard. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre, et celui le tout-puissant, le sage. Donc c'est, il a le rang qui est le plus élevé, subhanahu wa ta'ala. Il a la position, le rang le plus élevé, le statut le plus élevé, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce sens, il va rentrer beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup d'attributs, comme l'attribut al-Quddus, al-Salam, al-Kabir, al-Muta'ali. Donc lorsqu'on voit al-Quddus, al-Salam, c'est des attributs qu'on l'avait signalé, qu'on l'avait rappelé, qui attestent qu'Allah Azzawajal, il est pur, qu'Allah Azzawajal, il est saint de toute imperfection. Et qui est al-Kabir al-Muta'al, qui est donc celui qui est grand, celui qui est élevé, subhanahu wa ta'ala. Donc il est élevé de toute imperfection, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens qu'on comprend ulu al-shahd, et qui est la troisième catégorie. Et donc le shir est rappelé, cette parole dans la traduction est la suivante, qu'il est élevé dans son unicité, au point que nul autre que lui ne peut avoir de royaume ou une part de celui-ci. Qu'il n'a nul assistant, secoureur ou intercesseur auprès de lui sans sa permission, et nul ne le protège. Également, il s'est élevé dans sa grandeur, sa majesté, son royaume et son pouvoir absolu, au point qu'il n'a nul opposant, adversaire, protecteur contre l'humiliation ou défenseur. Également, il s'est élevé dans son indépendance par rapport à ses créatures, au point qu'il n'a point de compagne, progéniture, géniteur ou égal. Il s'est élevé également dans sa perfection, sa vie, sa subsistance par lui-même et sa puissance, au point qu'il n'est sujet ni à la mort, ni à la fatigue, ni au sommeil, ni à la lassitude, ni à la faiblesse, donc à toutes ses imperfections. Il s'est élevé dans la perfection sa science, au point qu'il ne connaît ni la distraction, ni l'oubli, et que n'échappe pas à sa science l'équivalent du poids d'un atome sur terre ou dans les cieux. Il s'est également élevé, subhanahu wa ta'ala, dans la perfection de sa sagesse et de sa louange, au point qu'il n'a rien créé en vain, ni laissé la création sans commandement, interdiction, résurrection ni récompense. Il s'est également élevé, subhanah, dans la perfection de sa justice, au point qu'il ne fait subir à personne la moindre injustice, fût-ce du poids d'un atome, ni note quoi que ce soit de ses bonnes actions. Il s'est élevé dans la perfection de sa richesse, au point qu'il n'est ni nourri, ni pourvu, et qu'il n'a besoin d'autre que lui pour quoi que ce soit. Il s'est également élevé dans tout ce qu'il s'est attribué, et ce que lui a attribué son messager, au point qu'il n'est sujet ni à la négation de ses attributs, donc à Tartil, ni à l'anthropomorphisme, à Tamfil. Il est glorifié, loué, puissant, sublime, exalté, élevé, exempt et dénué de tout ce qui va à l'encontre de sa divinité, sa seigneurie, ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits. Donc c'est dans ce sens qu'on comprend Ulu et Shan, et il comprend tout cela. Et le Cheikh nous avait rappelé également que ce soit Ulu al-Fawqiyah, que ce soit Ulu al-Qah, ou que ce soit Ulu et Shan, tous étaient donc inséparables, qu'ils étaient donc inhérents. Et que tous rentraient fi marna al-ulu al-am, c'est-à-dire l'élévation d'Allah azawajal de façon générale, que tout rentrait dedans. Et que, ici, c'était un détail de ces catégories ou des sens qui rentrent fi l'ulu. Donc, ces trois catégories. Subhanakallahumma bihamdika, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa